إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui l'explication, le cours 49 dans l'explication du livre de Al-Usul Salatha avec le charh de Cheikh Zayd Al-Madkhali, Hafidhahullah wa Rahimahullah. Parce que le Cheikh, il est décédé la semaine passée. Rahimahullah, na'am. Et il est mort à l'âge de, si je ne me trompe pas, c'est... On avait parlé, c'est ça. Donc, Cheikh, il est né en 1357. Oui, c'est ça, 1357. Donc, il était assez âgé, puis le Cheikh, il a écrit beaucoup et fait beaucoup de cours, d'explications, de livres. Il y en a toute sa vie, il a passé dans l'enseignement. Okay? C'est un des élèves de Cheikh. Cheikh Ahmed al-Najmi et d'autres mashaykh, Al-Hafiz Hakami et d'autres mashaykh aussi, Cheikh Abdullah Al-Qara'awi. Peut-être qu'il l'a enseigné quand il était petit, comme Cheikh Rabi'a et d'autres mashaykh, mais ils étaient très très jeunes à cet âge-là, quand le Cheikh Abdullah Al-Qara'awi était à Samita et qu'il faisait la da'wah dans cette région-là. Donc, c'est plutôt les élèves du Cheikh Abdullah Al-Qara'awi qui ont été ses chouyours. Donc, c'est une grande perte pour la Ummah, parce que c'était un des grands savants. Et puis, heureusement, alhamdulillah, il y a tous les livres qu'il a laissés comme ilm, comme science. Et le fait qu'on s'assoit ensemble puis qu'on lit, on lit ensemble les livres qu'il a écrits puis les choses qu'il a enseignées, ça fait comme une sadaqa jariya pour lui. Il continue à gagner des hasanat même après sa mort, rahimahullah. Donc là où on est arrivé dans le charh, c'est al-aslu thalith, ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam bil adillah. Et on a parlé au dernier cours de la question de Al-Hijra. La question de Al-Hijra. On a lu qu'est-ce qui a rapport avec ça. Du fait qu'il a quitté Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti par la suite à Mecca. Ok, là je comprends. C'est bon. Khair, Inch'Allah. Donc, oui, on a parlé de la hijra, puis après on a parlé par la suite du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il se soit installé à Al-Madina, c'est là que les autres règles de l'islam ont été révélées. La zakat, la salat, le sawm, le hajj, l'adhan, le jihad, l'amr bil ma'ruf, le nahi anil munkar, et les autres règles de l'islam, et ainsi de suite. Donc ça, on a lu sur ça. Donc là où on est arrivé, c'est que on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété la religion. Il a complété la religion. Et le Cheikh il dit: وَلَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ الدِّينَ وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ تَحْتَاجُ الْبَشَرِيَّةَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Inch'Allah. ولم يبقى شيء تحتاج البشرية إلى علمه وفهمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الأجل المحتوم لأن الله قضى بالموت على المخلوقات ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات ولكل أجل كتاب إلا من ثبت استثناؤهم بنص. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a complété sa religion, il a parachevé sa grâce, il ne restait plus rien de ce que l'humanité avait besoin de connaître et de ce que l'humanité avait besoin de comprendre. Donc la religion était complète, donc la fin et le terme est arrivé où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur toutes les créatures, la mort. C'est quelque chose qui a été décrété pour toutes les créatures. Et ça inclut également les messagers, les prophètes, les anges et toutes les autres créatures aussi. وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ar-Ra'd, verset 38, pour chaque livre il y a un terme, ou chaque terme il y a un livre plutôt, excepté pour la personne pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception, bien entendu. Et s'il y a cette exception là il y a un texte pour le prouver. Il y a peut-être par exemple l'exemple de Isa ibn Maryam qui a été élevé aux cieux, il n'est pas mort. Il n'a pas idée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié, mais ils ont eu cette impression là, c'est ce qu'on leur a fait paraître, c'est ce qu'on leur a fait croire. Et il a été élevé aux cieux, mais même lui il va revenir à la fin des temps, puis il va mourir comme tous les autres hommes. Et il dit le cheikh ensuite وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وأخبر بذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وهكذا أخبر الله عز وجل في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il avait annoncé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète. Il lui a fait savoir qu'il allait mourir. Comme le verset 30 et 31 dans Surat Az-Zumar. Tu vas certes mourir de la même manière qu'eux aussi vont mourir. Puis ensuite, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités pour disputer auprès de votre Seigneur. Et il a informé également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Muhammad, Allah dit dans le Coran, surat Al-Imran, verset 144, Muhammad n'est qu'un messager comme et d'autres messagers ont passé avant lui, sont passés avant lui. Ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rasul. Ça, ça fait partie des versets que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, a mentionné lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar ibn Khattab, par exemple, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste et il refusait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Donc, il s'est levé, puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. Et Abu Bakr est venu et il lui a dit, descends, il y a Omar. Et puis après, Abu Bakr est monté. Sur le minbar, il a dit aux gens, ce verset-là, Ma Muhammadun illa Rasulun, qad khalat min qablihi Rasul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Et donc, Omar ibn al-Khattab a dit à ce moment-là, c'est comme si c'était la première fois que je l'avais entendu. C'est comme si je ne l'avais pas lu auparavant, alors qu'il le connaissait. Mais c'est pour dire, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort. Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'adorait, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est mort, mais celui qui adorait Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala il est vivant, il ne meurt pas. Et puis il a pris les choses en main, donc les gens ont compris et il a calmé la situation, il a ramené les choses à l'ordre. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad n'est qu'un messager, avant lui il y a eu d'autres messagers. Est-ce que s'il meurt ou s'il est tué, allez-vous retourner sur vos talons? Et celui qui retourne sur ses talons, il ne fera aucun tort à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala certes récompensera celui qui est reconnaissant. Donc c'est pour avertir et pour y faire savoir aux croyants que c'est possible que le prophète sur sallam meure. Il faut s'attendre à cette chose. Donc s'il meurt, ça ne veut pas dire que c'est la mort de sa religion, ce n'est pas la mort de l'islam, c'est juste la mort du prophète sur sallam, mais la religion elle continue. Et il dit également dans un autre verset, le verset 34 et 35 dans Sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, on n'a jamais donné à un être humain l'éternité. On n'a jamais donné l'éternité à un être humain auparavant ou avant toi. Et si tu meurs, est-ce que eux vont vivre éternellement? Non. Chaque âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouvons par le mal et par... Nous vous éprouvons des épreuves par le bien et par le mal. Vous avez des épreuves dans votre vie, dans le mal et dans le bien. Et c'est vers nous que vous allez revenir. Et dans la vie, c'est des épreuves que Allah nous donne. Et il nous éprouve pas seulement par le mal. Des fois, les gens pensent que Allah il nous éprouve seulement par le mal, la mort, la maladie, la faiblesse, la mort. Non, il nous éprouve aussi même par le bien. La richesse, la santé, le plaisir, les bonnes choses. Puis c'est pour voir comment on agit avec ces choses-là. Et des fois, la fitna par le bien, c'est plus difficile que la fitna par le mal aussi. Le cheikh il dit ensuite, فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو الثاني عشر. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمت الأرض طولها والعرض وأثرت على أصحابه تأثيرا بالغا حتى إن بعضهم لم يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ومنهم عمر رضي الله عنه حتى أتى أبو بكر وكان رجلا مسددا وموفقا في مواطن الكروب والأزمات فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال قولته التي حفظتها وثائق التاريخ طبت حيا وميتا وخرج إلى الناس وهم مضطربون فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فزال عنهم الاضطراب وأيقنوا أن سنة الله في مخلوقاته أن يقضى عليها بالموت وما هو إلا انتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade par la suite vers la fin du mois de Safar et le début du mois de Rabi' al-Awwal jusqu'au 12e jour de Rabi' al-Awwal ou bien le 13e, il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mort était un des plus grands malheurs qui a touché la terre. C'était un des plus grands malheurs et ça a eu un impact et un effet يعني très dur sur certains de ses يعني sur les sur ses compagnons, et certains d'entre eux même refusaient de croire qu'il était mort, comme l'exemple de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qu'on a donné tout à l'heure, et l'exemple de Abu Bakr qu'on a mentionné aussi. Parce que Abu Bakr ibn Siddiq radiallahu anhu, quand c'était le temps de faire face à des situations qui étaient difficiles comme celle-là, c'était un homme qui savait se contenir, puis se retenir, puis yani, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'endroit où le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé dans sa chambre, et il l'a embrassé, et il a dit cette parole qui a été enregistrée dans les annales de l'histoire, hein, tu as été bon, vivant comme mort, hein. Et puis les gens sont sortis, donc il est sorti vers les gens qui étaient les gens étaient troublés, les gens avaient des, les gens se sentaient confus et troublés. Alors il a dit cette parole qu'on a mentionnée tout à l'heure, celui qui adorait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Mohammed est mort, mais celui qui adore Allah, il est vivant, il ne meurt pas. Et il a calmé les gens, donc les gens sont revenus à la normale, et il a fait comprendre aux gens que c'est la règle d'Allah qu'il a établie sur sa création, qu'on doit tous mourir. Et que la mort, ce n'est pas la fin de tout, c'est uniquement un passage de cette vie d'ici-bas vers la vie de l'au-delà, la vie après la mort, al-barzakh. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعة بأقسام الخلق عند الموت، حيث قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذا التقسيم للخليقة كلها بعد الموت، فقسمهم الله إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى مقربين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، وهم المكذبون الذين كذبوا بما يجب التصديق به من شرع الله الذي أتى به رسل الله وأنبياؤه وأقامه ودعا إليه أتباعهم وورثتهم. نعم. Donc le cheikh explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé l'état des créatures au moment de la mort, comment elles sont divisées après la mort. Donc il mentionne les versets dans Sourate Al-Waqi'a, les versets 77, wa alaykum salam wa rahmatullah, les versets 77 à 96. Oui, plutôt, le chef, lui, il a mentionné à propos de 83. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là, vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés, al-muqarrabin, ceux qui sont rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Donc ça, c'est les muqarrabin, ceux qui sont rapprochés d'Allah. Ensuite, et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, salamun laka min ashab al-yamin, paix à toi de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'en étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Donc ça c'est la troisième catégorie, c'est yani ashab al-shimal, yani les gens qui vont être dans l'enfer, hein, ceux qui ont traité de mensonge la résurrection. Donc al-muqarrabun, ashab al-yamin et ashab al-shimal. Donc ça c'est la division que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des hommes dans la fin de cette sourate. OK, et puis ensuite le cheikh il explique, il dit wa lamma kana ijtima' al-kalima ala sultan wa ala imam amr min aham al-umur lima fi dhalika min nafy al-fawda wa huqn al-dima' wa hifz al-amwal wa al-a'rad wa amn al-nas min ajli an yu'addu sha'a'ir al-islam wa hum aminun mutma'innun. بقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في وقت وفاته بل بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكر واجتمع الناس وأجمعوا على خلافته فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء وقد توفي يوم الاثنين وما هو إلا انتقال من حياة الهم والغم والتعب والنصب إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى في أعلى الجنان كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص ببصره إلى السماء قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. Donc le cheikh il dit que étant donné que le fait d'unir les musulmans autour de leurs dirigeants, c'est une chose tellement importante dans l'islam, hein, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ne l'ont pas enterré tout de suite. Parce que dans le fait de s'unir autour de notre dirigeant, c'est tellement important, puisque c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on peut préserver l'application des principes et des principes et des règles de l'islam, en toute sécurité. C'est ça qui nous protège du chaos. Parce que quand il n'y a personne qui est à la tête, quand il n'y a pas de dirigeant, c'est le chaos. Chacun décide, veut faire qu'est-ce qu'il veut, puis tout le monde se contredit les uns les autres, donc il n'y a plus d'ordre. De même que c'est quelque chose qui fait en sorte que le sang des musulmans est préservé, parce que quand il y a un dirigeant, il y a une justice qui va être appliquée, qui va être établie. Celui qui, le fort, qui, il va pas faire de l'injustice envers le faible, et le faible va pas transgresser contre le fort, et ainsi de suite. Et également, ça préserve les biens, et ça préserve l'honneur des musulmans, puisqu'il y a un dirigeant qui établit la justice. Et ça fait en sorte que les hommes restent en sécurité. Hein? Donc, à cause de cette importance, hein, les sahaba n'ont pas enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite lorsqu'il est mort. Ils ont laissé, hein, ils ont laissé son corps pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il décide de donner la bay'a à Abu Bakr. Ils ont donné l'allégeance, hein, du khilafa à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et les musulmans se sont tous réunis autour de lui, hein, les gens se sont réunis autour de lui, et lui il a réuni les gens, et donc une fois que ça a été réglé et qu'ils ont décidé qui va être le khalifa, alors ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il expliquait, il disait que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort le lundi et il a été enterré le mercredi seulement. Tu vois? Donc il est mort le lundi, il a été enterré le mercredi. Ça veut dire deux jours après. Hein? Ça montre l'importance de du fait que les musulmans soient derrière leurs dirigeants et qu'ils aient un dirigeant. Hein? Donc ça, c'est un point très très important qui nous montre ça. Parce que la sunna, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, la sunna, c'est de l'enterrer le plus vite possible. La sunna, c'est de l'enterrer le plus vite possible. Mais dans cet exemple-là, on voit que c'est permis parfois de retarder s'il y a quelque chose qui est plus important, comme l'exemple du khilafa ici. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé de cette vie, une vie de soucis, de fatigue, de tracas, hein, vers une bonne vie qui sera bénie, c'est-à-dire dans le paradis et dans l'au-delà. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, avant de mourir, il a mentionné les paroles en regardant vers le ciel, « Il al-Rafiq al-A'la »« Allahumma al-Rafiq al-A'la » c'est-à-dire le compagnon très, le très haut, c'est-à-dire vers Allah. Et qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a préféré retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit « وَأَوْصَى قَبْلَ مَوْتِهِ بِالصَّلَاتِ عَلَى مَا بِالصَّلَاتِ وَمَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانِ لِأَهَمِّيَةِ شَأْنِ الصَّلَاتِ فِي الْإِسْلَامِ وَأَكْرَمَ اللَّهُ عز وجل الأمة بعد وفاته بخلافة الصديق التي مشى فيها على النهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الأمة به وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك ولا ينقص. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم avant sa mort il a donné le conseil, il a enjoint aux musulmans de rester accrochés à la salat, c'est-à-dire de rester fidèles dans leurs prières, et également de respecter le droit des esclaves, de bien les traiter, de bien agir avec les esclaves. Il a dit as-salat, wa ma malakat aymanukum, à cause de l'importance de la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette umma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le khilafa de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr a marché sur la même voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de gérer et de diriger la umma, c'est-à-dire en jugeant selon le livre d'Allah, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a rien ajouté à ça, il n'a rien enlevé non plus. الشيخ يقول ensuite ودينه باطن نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ودينه باطن وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه وَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Ça veut dire que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam est restée. Elle est restée et c'est ça sa religion. Et ça veut dire que c'est l'islam. Et il n'y a pas un bien excepté qu'il a indiqué à sa umma. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas un bien qui existe excepté qu'il l'a indiqué à sa umma. Et il n'y a pas un mal qui existe, excepté qu'il a averti sa umma de ce mal. Et le bien auquel il a indiqué, ou le bien que le prophète a indiqué à sa umma, c'est le tawhid en premier, parce que c'est le plus grand bien, c'est la base de tout. Et tout ce que Allah aime est ce qu'il a agréé par la suite. Donc tout le reste. Et le mal contre lequel il nous a averti, c'est premièrement le shirk, parce que c'est le plus grand de tous les maux, c'est le plus grand péché. Et ensuite, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et tout ce qu'il rejette ou tout ce qu'il refuse. Et il a été envoyé à tous les hommes, sans exception. En fait, son salam a été envoyé à tous les hommes, sans exception. Le Cheikh il dit « وَقَدْ بَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ بِأَنَّ دِينَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَاقٍ » وأنه لم يتغير شيء بالنسبة للتكاليف الشرعية على اختلاف أنواعها والأحكام المرعية. فقال المؤلف وهذا دينه، يعني دينه بين أيدينا بين أظهرنا كامل كما وصفه الله وهذا الدين ما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا وحذر منه. Donc le cheikh il dit que cette religion, yani c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est, yani elle est, c'est-à-dire elle reste. C'est pas quelque chose qui est apparu puis qui disparaît. C'est quelque chose, non, qui va rester jusqu'à la fin des temps. Et elle ne va pas changer, hein, dans les règles et dans les ordres, dans les, yani les différentes législations que Allah a révélées. Elle ne change pas. Elle reste permanente. Contrairement à ceux aujourd'hui qui appellent les musulmans à dire que bon, on est à une nouvelle époque maintenant, on est à un temps moderne, donc il faut réformer l'islam, il faut changer l'islam, faire une nouvelle interprétation de l'islam selon le 20e siècle, selon les nouvelles idéologies qui sont apparues pour maintenant adapter l'islam à notre époque ou des choses de ce genre. Ça là, c'est l'exemple des gens qui appellent à toutes ces idées-là à notre époque. Ça, c'est de l'égarement, yani. Parce que cette religion, elle est complète. Elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter dedans et on ne peut rien enlever dedans non plus. Hein. Et on ne peut pas la changer selon nos désirs, selon nos passions, selon qu'est-ce qu'on aime ou selon ce que les koufars veulent. Non. Cette religion, elle reste telle qu'elle. Et si on devait la changer, par exemple, si quelqu'un dit, bon, quand on arrive au 20e siècle, il faut la changer, Allah, il l'aurait dit. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, il aurait dit dans le Coran, et le prophète a expliqué dans la Sunna, que quand vous allez arriver à telle époque, il va falloir que vous changiez l'islam. Vous allez appliquer des nouvelles règles, des nouvelles lois. Mais le prophète, il n'a pas dit ça. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas dit ça. Et il n'y a aucune raison de les changer non plus, puisqu'elles sont toutes applicables. Hein? Sauf que ça ne plaît pas. Hein? Beaucoup de règles islamiques ne plaisent pas aux gens. Donc, à cause de ça, eux, ils cherchent à les enlever ou à les changer pour que ça soit en accord avec leur passion, avec leur désir. Hein? Et yani, ils veulent une religion qui va en accord avec leur hawa, leur désir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé sa religion aux hommes pour leur faire plaisir dans leur passion. Il a révélé cette religion pour justement qu'ils soient bien guidés, pour qu'ils soient sur la guidance, pour qu'ils soient sur la vérité, et non pas sur la passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a un verset, justement, je pense que c'est dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel il dit, et si la vérité devait être en accord avec leur passion, le monde entier serait corrompu. Le monde entier serait corrompu. Donc, on ne peut pas suivre les passions des hommes dans ces questions-là. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, cette religion, c'est la religion qui est présente parmi nous, telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. Elle est complète. Et cette religion-là, il n'y a pas un bien excepté qu'elle nous l'a indiqué, et il n'y a pas un mal excepté qu'on a été averti à son sujet. Et il dit, « Wa asasul khayr, tawhidullah, tabaraka wa ta'ala, fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa mukammilatu thalika bit taqarrubi ilayhi bi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal, wa l'af'al, wa l'a'mal al-zahira, wa l'batina, wa l'bu'd, kulla al-bu'd, min kulli ma yubriduhu Allah wa yabahu min sharri al-aqwal, wa l'af'al, والأعمال والمعتقدات فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة وليس كغيره ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. Donc le cheikh il dit que la base du bien, c'est le tawhid d'Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Et quand on parle de son unicité, on parle de l'unicité d'Allah dans son adoration, on parle de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et dans son souveraineté et dans sa seigneurie, et on parle de son unicité aussi dans ses noms et dans ses attributs. Hein? Donc le tawhid, c'est ces trois catégories-là, tawhid al-uluhiyya, ou tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma al-sifat. Hein? Et tout ce qui est le reste de la religion, c'est des choses qui viennent compléter et parfaire ce tawhid. Ok? Tout le reste de la religion, c'est des choses qui viennent compléter et parfaire ce tawhid-là. Donc plus tu appliques la religion d'Allah, eh bien plus tu as, tu t'es rapproché d'Allah. Hein, en faisant ce que Allah aime et en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il agrée dans nos paroles, dans nos actions et dans les actes qu'on fait qui sont apparents ou qui sont intérieurs, comme les actes du cœur, hein, et de s'éloigner totalement de tout ce que Allah déteste, de tout ce que Allah déteste et de tout ce qu'il refuse et tout ce qu'il rejette, en commençant bien entendu par le shirk. Hein, et le kufr, ça c'est les pires péchés, que ce soit dans les paroles, dans les actions, dans les gestes, dans les croyances, parce que tout ça c'est des choses que Allah déteste, et ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi par exemple les innovations, les bidas, hein, ça aussi ça fait partie des choses que Allah déteste et qui sont très très graves, même que les salafs ont dit que les bidas sont plus graves que les kaba'ir parmi les péchés. Plus graves que les péchés parmi les kaba'ir. Hein? Donc, des fois, parfois, les gens négligent ça. Ils ne calculent pas les bidas comme si c'était quelque chose de grave, alors que c'est plus grave que les simples péchés qu'on peut commettre. Amen. Donc, ensuite, le cheikh, il dit donc que ça, c'est la religion d'Allah. Et c'est cette religion-là que Allah a créée pour la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné que c'est la religion, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est général, c'est-à-dire que il est pour toutes les nations et pour toutes les époques qui suivent. C'est pas spécifique à un peuple en particulier ou à une époque spécifique qui s'arrête. Non, c'est une religion qui est pour tous les peuples, toutes les origines, peu importe, et en même temps qui reste jusqu'à la fin des temps, contrairement aux messagers précédents qui eux étaient envoyés à des peuples particuliers. Et le cheikh il dit wa iftarad Allah ta'atahu ala jami' al-thaqalain al-jinn wal-ins wa ad-dalil qawluhu ta'ala qul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a inni rasulullah ilaykum jami'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes les créatures, les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir. Et la preuve, c'est dans le verset dans sourate Al-A'raf, le verset 158. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous ». Donc c'est pas un peuple par rapport à un autre spécifiquement, c'est pas juste pour les Arabes, puisque les non-Arabes sont pas concernés, même si le Coran est en arabe, ça veut pas dire que c'est juste pour les Arabes, c'est pour tous les peuples, c'est pour tout le monde, tous les êtres humains sur la terre, peu importe leur langue, peu importe leur ethnie, leur couleur, ou peu importe, ni leur apparence physique. C'est pour tous les hommes et même pour tous les djinns aussi. Et les djinns, c'est une autre créature d'Allah qui vivent avec les hommes mais qu'on ne peut pas voir. Et qui ont, comme les êtres humains, la capacité de choisir entre le fait d'obéir à Allah ou de refuser. Et donc, le cheikh, il explique ça, cette parole-là, il dit... وهذا العموم والشمول دل عليه قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وكما دل عليه قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وغيرها من الآيات في هذا المعنى الجليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عموم رسالته وبعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم والله والله والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Donc le cheikh il dit que le fait que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général pour tous les hommes, pour toutes les créatures, c'est-à-dire les djinns ou les hommes, c'est prouvé par le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 158, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme le cheikh il a mentionné dans le texte, dit ô Mohammed, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il fait vivre et il fait mourir. Alors croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le pour que vous soyez bien guidés. Et il mentionne le verset 28 dans Surat As-Saba, dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous t'avons envoyé que comme nous t'avons envoyé que pour toute l'humanité, nous t'avons envoyé pour toute l'humanité comme avertisseur, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur, bashir wa nadhir, bashiran wa nadhira, et pour tous les hommes sans exception. Et il y a d'autres versets également à ce sujet. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans des hadiths, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il a expliqué, que il a dit, chaque prophète avant moi était envoyé à son peuple en particulier, et moi j'ai été envoyé à tous les hommes en général. Et dans un autre hadith il a dit, c'est rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, l'imam Muslim, il a dit, par Allah je jure que nul n'entend parler de moi parmi les gens de cette Ummah, qu'ils soient juifs ou chrétiens, puis qu'ils meurent sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Ça veut dire, s'il y a des juifs ou des chrétiens qui entendent parler de l'islam, qui entendent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui entendent le message de l'islam, mais qui n'acceptent pas, qui refusent de se convertir à l'islam par la suite, s'ils meurent dans cet état-là, ils seront parmi les gens de l'enfer. Hein? Et ça, c'est la preuve que c'est une religion pour tous les hommes, même les juifs et les chrétiens. Eux, le fait qu'ils aient reçu un livre, comme on dit des fois, Ahlul Kitab, hein? Et le fait qu'ils soient Ahlul Kitab, ça ne veut pas dire qu'ils sont des mu'minoun. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants. Comme certains, parfois, ils disent, les gens du livre, ce sont des croyants. Non. C'est ça. À l'époque où ils avaient reçu leur messager et qu'ils l'avaient suivi correctement, sans déformer son message, sans changer sa religion, dans ce cas-là, oui, ils étaient des croyants. Mais par la suite, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils refusent de croire en lui, par la suite, ils ne sont plus croyants. Hein? Ils deviennent des kuffars dans ce cas-là. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont parfois ils sont confus ou mélangés à ce sujet-là. Donc c'est très important de comprendre cette question-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans le hadith quand il dit min hadhihi al-umma la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Donc est-ce que les juifs les chrétiens font partie de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, umma tu da'wa. Parce qu'on divise la umma en deux catégories, umma tu da'wa et ummatul istijaba. D'accord? Ummatul da'wa, ça veut dire ceux qui sont appelés à l'islam, donc ceux qui vivent après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas encore cru en sa da'wa, donc ils sont appelés à l'islam, donc ils font partie de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummatul da'wa, la umma qui est appelée. Et puis il y a Ummatul Istijaba, c'est ceux qui ont accepté le message de l'islam. Hein, ça c'est, eux aussi sont, donc font partie de cette Umma, mais de façon plus particulière parce qu'ils ont cru en l'islam. Ensuite, le Cheikh il dit وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم وقد أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على عموم رسالة عموم الرسالة وشمولها وعلى كمال الدين كما رأيت وأورد الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنة الله في خلقه التي لا تتخلف حيث قال عز وجل خطابا لنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc le cheikh il explique, ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que Allah a complété par celui-ci sa religion, c'est-à-dire par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné le verset 3 dans surat Al-Imran. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et il a mentionné ensuite la preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le verset 30 et 31 dans surat Az-Zumar. Et il dit que donc l'auteur il a ramené ces versets-là pour prouver que la religion a été complétée et pour prouver que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est, yani, il est mort et que c'est la sunna d'Allah. C'est la sunna d'Allah, c'est la règle d'Allah dans sa création. Qu'il n'y a personne qui peut s'en échapper de cette règle, que tout le monde va mourir. Il y a des soufis, par exemple, parmi les soufis qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort, il est encore vivant, ou bien qu'il revient. Hein. Ils font à chaque année la naissance, ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque fois ils font qu'est-ce qu'ils appellent le hadra. Donc dans cette célébration qu'ils font, ils dansent, ils font des avec de la musique et puis ils dansent, ils font des qu'est-ce qu'ils pensent être du dhikr alors que ça n'a rien à voir avec le dhikr. Et non, c'est des innovations. Puis ils pensent que pendant cette cérémonie là qu'ils font, qu'ils appellent al-hadra, que le prophète sallam vient, hein, et qu'il se présente dans cette assemblée là. Donc yani non, c'est grave. Et donc, il y a même des chefs de certains parmi les fondateurs des jama'at hizbiya à notre époque, comme Hassan al-Banna, il disait هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سامح الكل فيما مضى وجرى فيما قد مضى وجرى. C'est comme s'il dit le Habib, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec les ahbab, avec les soufis, avec eux. Et il est venu, il s'est présenté. Et il a pardonné à tout le monde ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait. Donc Hassan al-Banna fait partie des soufis, fait partie des turuqiyins. Turuqiyins, ceux qui croient à un cheikh et qui lui font l'allégeance et qui font partie d'une tariqa soufia. Et ils pensent qu'ils font les hadras comme ça avec les soufis. Donc il ne faut pas s'étonner par la suite que tu vois parmi les frères musulmans, les ikhwan, des soufiyins et des rafidas et des khawarij, toutes les catégories de sectes, tu les retrouves présents dans ce groupe parce que pour eux c'est un politique, c'est la politique qui compte. Ce n'est pas la religion le plus important, c'est la politique. Donc, comme tu vois les partis des partis politiques des koufars, tu peux avoir des juifs, des chrétiens, des athées dedans, ça dérange pas. Les ikhwan, c'est la même chose. C'est un parti politique. C'est-à-dire, n'importe qui peut être dedans. Peu importe la bid'a que tu suis, peu importe la secte que tu suis, peu importe la religion que tu suis, même il y a des chrétiens avec lui. Ça dérange, ça ne les dérange pas. Hein? Donc, ça c'est l'exemple de qu'est-ce que tu retrouves là-dedans. Et tu trouves donc, même le fondateur lui-même fait partie de ceux qui suivent la bid'a et le shirk et les égarements. Donc, ne sois pas étonné de ceux qui suivent ce fondateur. Eux aussi vont être encore plus égarés que lui parfois. Allah al-Musta'an. C'est pour ça qu'on doit mettre en garde contre ce genre de groupe et ce genre d'individus que certains musulmans aujourd'hui défendent avec acharnement, malgré que leur égarement est clair et évident. Hein? Il y a un groupe à Montréal, puis au Canada au complet, qui s'appelle MAC, Muslim Association of Canada. Dans leur site internet, ils ont écrit « Nous croyons que la compréhension de Hassan al-Banna est la meilleure compréhension de l'islam. » Donc ça veut dire, c'est pas la compréhension des salafus salih qui est la meilleure compréhension de l'islam pour eux, c'est la compréhension de Hassan al-Banna, quelqu'un qui est né il y a 1400 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a ramené la bonne compréhension de l'islam. Les autres avant, ils étaient quoi? Et les salafs, eux, c'était quoi? Des ignorants, ils connaissaient pas la religion d'Allah. Ça, c'est l'exemple de ceux qui disent que les khalaf a'lam wa ahkam min as-salaf. La même règle d'égarement. Allah al-Musta'an. Donc, ils préfèrent les khalaf aux salaf. Alors que ce sont les salaf qui nous ont tout transmis de cette religion-là. Et sans eux, on n'aurait pas connu l'islam. Hein? Les salaf, c'est les sahaba, les tabi'in, et les tabi'in. Tu comprends? Et les khalaf, c'est ceux qui sont venus après. Ceux qui sont venus après. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salat wa ittaba'u ash-shahawat fa sawfa yulqawna ghayya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit fa ja'alna minhum salafan wa mathalan lil akhirin. Le terme salaf, ça dit ceux qui ont précédé, ceux qui sont venus avant, ceux qui étaient en premier. Et ça peut être des salaf dans le mal. Et ça peut être des salaf dans le bien, comme le peuple de Pharaon. فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ سَلَفًا. C'est à propos du peuple de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Mais ça, c'est les salaf, c'est pas les salaf al-salih, c'est les salaf dans l'égarement. Allah musta'an. Mais salaf, nous, quand on parle des salaf, comme c'est connu dans les livres et dans les paroles des ulama et des savants, ils parlent des salaf en désignant les sahaba. Les tabi'in, les tabi'in, les tabi'in, hein, c'est eux qu'on désigne par ce terme. Khalaf, c'est ceux qui sont venus par la suite. Et en général aussi, c'est ceux qui n'ont pas suivi l'exemple des salafs, hein, c'est qui ont contredit les bases et les principes des salafs, soit dans l'aqida ou dans la pratique, hein, ou des choses de ce genre. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la parole que les ulama disent souvent? Wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Ça, c'est une parole que les ulama mentionnent souvent. Tout le bien, c'est dans le fait de suivre ceux qui ont précédé, et tout le mal vient des choses qui ont été innovées par ceux qui sont venus après. Par les choses qui ont été wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Tout le bien, c'est de suivre l'exemple de ceux qui ont précédé, c'est dans le fait de suivre l'exemple de ceux qui ont précédé, et tout le mal vient de ce qui a été innové par ceux qui sont venus ensuite, hein, qui sont venus après. C'est pas par les salafs. Et cette parole, celui qui l'a dit en premier, c'est lui-même fait partie de ceux qui suivaient les khalafs. Hein? Mais il a dit cette parole qui est vraie, comme on dit sadaqaka wa huwa kazoub. Il a dit vrai, mais il est menteur. Yani. C'était Ibrahim al-Bayjouri, je pense, dans Jawharat al-Tawhid. C'est lui qui a dit cette parole-là. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. صح. Exactement. C'est-à-dire, il y a un livre même écrit par l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui s'appelle Fadlu ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf. Et dans ce livre-là, il mentionne par exemple ces exemples-là que les salafs parlaient peu, mais il y avait beaucoup de science, hein, beaucoup d'applications. Tandis que les khalafs, ils ont parlé beaucoup, mais peu de science. Exactement. Donc, tu vois par exemple, les salafs, regarde qu'est-ce qu'ils ont ramené comme livre et comme écrit. Très peu. Hein? Et la plupart, qu'est-ce qu'ils ont ramené? C'est les livres de hadith, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'était très peu. Ceux qui sont venus après, tu vois, après des volumes et des volumes, hein, des encyclopédies, plein de kalam kathir. Walakin al-ilm qalil. Donc, il y a des gens comme ça qui pensent que le savant, c'est celui qui parle beaucoup, qui parle tout le temps. Non. Les salafs, eux, ils parlaient très, très peu. Ils avaient des paroles très courtes et des expressions très courtes, mais remplies de bienfaits, remplies de science. Mais exactement. Mais qalla wa dal. C'est-à-dire, c'est peu, mais ça indique directement, ça va droit au but, c'est clair. Comme on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, utiya bi jawami al-kalim. Il dit peu de mots, mais qui a beaucoup de sens. Hein? Et vous, par exemple, à notre époque, tu écoutes les cours de Cheikh Al-Fawzan, par exemple, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il parle très peu. Même quand il fait le charh de quelque chose, il dit seulement les choses les plus importantes et le basic. Puis, quand tu commences à les lire, tu vois que c'est rempli de science, ces paroles. Hein? Donc ça, c'est l'exemple. Après, qu'est-ce qu'il dit le shaykh? Où est-ce qu'on est arrivé? Il dit « وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بإذن الله والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أورد الأدلة الشرح الشيخ زيد يقول أورد الأدلة القرآنية التي تدل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم كقوله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى وهو خطاب للأمة كلها والضمير في منها يعود إلى الأرض وهو معروف من السياق ومنها خلقناكم أي بخلق أبيكم آدم من تراب وفيها نعيدكم بعد الموت في قبوركم ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والجزاء على الأعمال. Donc le cheikh il explique que après la mort les hommes seront ressuscités, et la preuve c'est dans les versets dans le Coran, comme par exemple Surat Taha, le verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est de celle-ci que nous vous avons créé, c'est dans celle-ci que nous allons vous remettre, et de celle-ci vous allez ressortir encore une fois. Hein? Donc, le cheikh il l'explique par la suite. Il dit aussi les versets dans Surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 17 et 18, Allah vous a fait pousser de la terre comme des plantes, puis il va vous faire retourner dedans et il va vous ressortir par la suite. Et après qu'on a été ressuscité, on sera questionné et jugé et récompensé ou rétribué selon nos actions par la permission d'Allah. Et la preuve, c'est يعني dans ça c'est dans sourate An-Najm. Dans sourate An-Najm, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est à Allah qu'appartient les cieux et la terre pour qu'il rétribue ceux qui ont mal agi selon leurs œuvres et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien par le bien. Hein? Et donc, il explique, le cheikh, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné des versets dans le Coran qui indiquent que les hommes seront ressuscités de leur tombe. Donc, on va après qu'on ait été de la terre, de la poussière, nos os, hein, sont morts, hein, parce que l'autre jour, je pensais à ça, j'ai dit, subhanallah, on sera tous de la nourriture pour les vers dans la terre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prend notre âme, on est enterré. Après, qu'est-ce qui se passe? Après quelques jours, il y a des vers qui commencent à apparaître dans notre corps, qui commencent à nous manger de l'intérieur. Après, on est complètement décomposé. Hein? Après ça, ils nous digèrent, et puis on devient de la poussière, de la terre, comme... Hein? Comme ça, subhanallah. Sauf les messagers, là, exact. Allah les préserve. Mais sinon, les autres créatures, c'est comme ça. On devient de la nourriture pour les vers. Et après, on se décompose dans la terre. On devient de la poussière et des os. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va recréer notre corps encore. Les os et la chair sur notre corps et la peau par-dessus. Puis, il va nous faire ressortir de la terre. Comme des fourmis, hein. Puis là, on va être, yani, ressuscité. Parmi les versets que le cheikh il a mentionné, le verset 55, comme on a dit tout à l'heure, il dit, minha khalaqnakum. C'est-à-dire, de la terre, il vous a créé. Hein. Et après, ça veut dire qu'il nous a créé en disant, votre père Adam. C'est-à-dire, il a créé votre père Adam de la terre. C'est de la terre qu'il vous a créé en premier, la première fois. Wa fiha nu'idukum. C'est-à-dire, après la mort, on vous retourne dans la terre, on vous enterre, hein, on vous met dedans. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et ensuite, vous allez en être encore une fois sorti. Hein, vous sortez une deuxième fois de la terre. Pour la résurrection et la rétribution pour les œuvres qu'on a faites. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour confirmer ça, dans un autre verset, il dit, et Allah vous a fait pousser de la terre comme des plantes. Puis il vous fait retourner dans la terre quand on est enterré. Ou après ça, il nous fait sortir. Donc c'est la même chose dans l'autre verset, c'est la même signification. Et il dit ensuite, wa akhbar Allah ta'ala أن العباد بعد الموت محاسبون ومجزيون على أعمالهم خيرها وشرها كما قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومثلها قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ومثلهما قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc le cheikh il explique que on va être, après on va être questionné et jugé, puis on va être rétribué selon nos actions, que ce soit des bonnes actions, selon les bonnes ou les mauvaises, on va être rétribué, on va recevoir qu'est-ce qu'on mérite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans sourate An-Najm, et c'est à Allah qu'appartient les cieux et la terre, pour qu'il rétribue ceux qui ont fait du mal pour ce qu'ils ont fait, et qu'il donne la récompense à ceux qui ont fait du bien par le bien. Et il dit dans le verset 15 dans sourate Al-Jathiya, celui qui fait du bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait du mal, celui qui a fait du mal, c'est contre lui, c'est contre son âme. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même. Celui qui fait du mal, c'est contre lui. Puis, au jour de la résurrection, vous serez, hein, on va vous faire revenir. On va vous ramener. Et la même chose aussi dans le verset, dans Sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui fait une atome de bien va le voir, et celui qui fait une atome de mal va le voir. Donc ça là, c'est des quantités, ça prouve à quel point la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est précise. C'est pas, il n'y a pas d'injustice ce jour-là. Hein? C'est à la tombe près. Et toi, tu fais des œuvres, tu les vois pas. C'est-à-dire, tu peux pas imaginer comment on va voir nos œuvres. Hein? Comment il va les mettre sur une balance pour les peser. Tu sais pas qu'est-ce que ça pèse cette œuvre. Hein? Des fois, on juge nos actions par nous-mêmes, on sait pas qu'est-ce que ça peut avoir comme valeur. Mais des fois, bon, tu peux voir un geste, tu dis, ah, ça, c'est pas un grand geste. Mais peut-être que, avec l'intention qui est avec, ça la fait devenir comme une montagne, cette action. Même si elle est petite. Et il y a d'autres actions, yani, tu les fais grandes, mais avec l'intention, elles deviennent petites comme ça. Donc, l'état du cœur au moment de l'action a une grande influence et un grand impact sur la valeur de l'action, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il est juste, il va donner la récompense selon ce que la personne a fait. Si quelqu'un il est milliardaire puis il donne 1 million pour faire quelque chose, c'est une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser. Mais l'autre qui est pauvre, il a juste 100 dollars et il donne, yani, il donne 10 dollars pour Allah, yani, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner plus de récompenses que celui qui a donné 1 million, parce que c'est premièrement l'intention, puis aussi par rapport à qu'est-ce que ça représente pour la personne. Donc on ne sait pas comment Allah subhanahu wa ta'ala il va juger dans les actions qu'on fait et qu'est-ce qu'il va donner comme valeur à certaines de nos œuvres, hein, ou parfois même nos péchés. Tu fais un péché, tu dis ça c'est juste un petit péché, mais à cause du peu de crainte que tu as d'Allah dans ton cœur au moment d'avoir commis ce péché là devient très grand. Toi, tu le vois petit. Et peut-être même que des fois, c'est le contraire. Tu fais un péché, mais tu as tellement peur de l'avoir fait, ce péché-là, il devient très petit par rapport à qu'est-ce que tu as fait. Comme Allah il dit dans le Coran, « Tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. » Vous le voyez, vous pensez que c'est quelque chose de insignifiant, mais c'est grave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Il y a des ulama qui ont mentionné ça. Regardez l'exemple de Iblis, la'anahullah. Regardez comment il a refusé de se prosterner juste une fois à Adam. Mais dans ce refus, il y avait en même temps du kibr, du stikbar dans son cœur, qui fait que à cause de ça, yani, c'est devenu un acte de mécréance. Tandis que quelqu'un qui aurait par exemple qui ne serait pas prosterné ou qui n'aurait pas fait un ordre d'Allah, mais sans cette arrogance, sans ce rejet, hein, sans cet orgueil, ce ne serait pas le même degré dans le péché, hein? Donc c'est pour ça, yani. Et non, donc ça c'est important de prendre en considération ça aussi. Allah il va nous ramener chacun de nos actions. Et il dit وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit مَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّ إِنْكَارَ الْكُفَّارِ لِلْبَعْثِ هذا شرح الشيخ زيد يقول وأخبر سبحانه بأن إنكار الكفار للبعث والجزاء على الأعمال افتراء منهم على الله وتكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك زعم باطل بين الله بطلانه في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Donc le cheikh il dit que ensuite celui qui a renié la résurrection, il est mécréant, il a mécru, il a rejeté la foi. La preuve de ça, c'est dans le verset dans sourate Tahabun, le verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui ont mécru ont pensé qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, certes, par mon Seigneur, je jure que vous serez ressuscités, vous serez certes ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous avez fait comme action, et cela est facile pour Allah. Et donc, le cheikh Zayd, il explique ça en disant que Allah, il nous a informé que la négation des kuffars, de la résurrection et de la rétribution pour nos œuvres, c'est un mensonge qu'ils ont fait contre Allah, et c'est un démenti de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Et ça, c'est une fausse pensée qu'ils ont à propos d'Allah, et Allah a mentionné la fausseté de cette pensée-là dans le verset, dans surat Tahabun, hein, le verset 7. Ensuite, le cheikh, il dit, ok, on a le temps encore. Le cheikh il dit: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que Allah a envoyé les messagers comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Et la preuve, c'est dans le verset qu'il a mentionné, le cheikh, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs pour pas qu'il y ait, pour que les hommes n'aient plus d'arguments contre Allah, hein, pour que les hommes n'aient plus d'arguments contre Allah après qu'il ait envoyé les messagers. C'est-à-dire que les hommes, au jour de la résurrection, ils ne pourront pas dire: on ne savait pas, oh Allah, on n'a pas su. Parce que Allah a établi la preuve en envoyant ses messagers aux êtres humains. Donc on est obligé de croire, puisque la preuve est là pour nous. Hein? Et il faut juste chercher cette preuve. Hein? Il faut juste la chercher. Celui qui est sur la vérité, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une grâce. Hein? Mais celui qui n'est pas sur la vérité ou qui ne connaît pas la vérité, sa responsabilité c'est de chercher à la trouver, pour trouver cette vérité-là. Pas de rester comme ça assis et puis dire, hein, je ne sais pas si la vérité existe, je ne sais pas s'il y a une vérité. Hein? Comme beaucoup d'êtres humains. Et les koufars, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est qu'ils essaient de distraire les gens. De les distraire, de pas réfléchir à pourquoi ils ont été créés. Le plus possible de les éloigner de l'idée qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que tu trouves les gens toujours troublés. Les gens sont toujours troublés. De plus en plus. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent à réfléchir, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour oublier ou pour pas penser. Donc ils vont boire de l'alcool, prendre de la drogue, prendre des médicaments, ou bien se distraire, faire des trucs pour se distraire. Hein? Parmi les trucs de shahawat, la musique, toutes les autres loisirs et distractions. Allah musta'an. Tu sais quoi? Il y a des gens qui prennent le sport comme une religion maintenant. Hein? Le sport, là, c'est devenu pour certaines personnes comme des religions. Et ils font des milliards de dollars avec le sport maintenant parce que c'est devenu tellement important. Hein? Donc, que ce soit ici le hockey ou le soccer ou n'importe quel autre sport dans le monde, ça c'est devenu comme une religion. Yann. Et il y a des gens qui passent des heures et des heures juste à discuter sur un match, qu'est-ce qui est arrivé entre les différents joueurs pendant ce match.